Tu pourras faire des affaires sans perdre un peu, c'est faux. Grandir dans une atmosphère sécuritaire, c'est faux. À la tête, une bonne ambiance, tout est pépère, c'est faux. Tu verras, c'est facile, tu vas te refaire, c'est faux. On roulait sans permis, en plein été. Quelques billets dans la poche qui viennent compléter. Si t'es bonne, t'es ma meuf, je vais pas m'embêter. Si t'es pas casse-cou, tu me pousses, rien ne va m'arrêter. Je me sens fort, mais j'y vais doucement. Je prends la route, je veux gratter de l'oseille. Chez moi, y'a pas de sentiment. Et forcément, j'ai pas le temps de me prendre la tête pour un oui, un non. Chérie, me fais pas comme la dernière meuf qui m'a rendu fou tellement. C'était de l'harcèlement. Terminé, elle vit, c'est faux, six gros. Ils sont grillés, et la plupart des gros mythos. On dort ensemble, demain je pars à Mexico. Oui, bébé, je pense qu'on se reverra pas. Mais niveau sexe, c'était incroyable, faut pas l'oublier. On se prenait pas la tête, non. La nuit sur une plage, c'était plié. J'étais loin du Jax. J'avais plus besoin d'archi calibré. On se prenait pas la tête, non. Juste un petit regard, on se comprenait. Hey, yeah. J'ai pas besoin de tes amis, j'en ai du Mexique jusqu'en Italie. Tu sais que Tony Money, bah c'est les mêmes que Carlos et Ravi. Voiture à Miami, j'en pense à quand j'avais pas un radis. Frérot, tu sais qu'ils m'ont dit 2000% que tu verras tes amis. Ton odeur de manie, oh, un petit blanc de vanille, oh. J'ai pas besoin de magie, oh, t'oublieras pas qui je suis. Pense à moi toutes les nuits, oh, comme si j'étais ton mari, oh. 10 jours à Bali, oh, restons gravés dans ta vie. Terminé, elle vit, c'est faux, six gros. Ils sont grillés et la plupart des gros mythos. On dort ensemble, demain je pars à Mexico. Oui bébé, je pense qu'on se reverra pas. Mais niveau sexe, c'était incroyable, faut pas l'oublier. On se prenait pas la tête, non. La nuit sur une plage, c'était plié. J'étais loin du Jax. J'avais plus besoin d'archer calibré. On se prenait pas la tête, non. Juste un petit regard, on se comprenait. Hey, yeah.